J'habite où? Dans tous les mauvais endroits et on me reproche de le dénoncer et plaider la cause de mes proches. Ceux qui sont pas de la France d'en bas mais celle d'ailleurs. D'ailleurs, je rêve du meilleur mais pour l'instant j'habite où? Tous à la même adresse, un squat à cachant. Avec le bled des droits de l'homme, j'ai pas d'histoire attachante. Tu sais, j'ai renoncé aux cartes postales. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour nos enfants? Je rêvais d'étoiles, parfois de tour Eiffel. Tous à la même adresse, avenue des Peupliers, à Fleury, mes registres, repliés dans vos prisons et dans vos registres. Ici la vraie justice est assez rare. Demande-toi pourquoi les étrangers sont en surpopulation carcérale. Tous à la même adresse, rue de la Banque, femmes et enfants SDF. Tu sais, rue des Latentes, une tente sur le trottoir. C'est triste et désarmant puisque le logement est un droit. On a le droit de vivre décemment. Tous à la même adresse, Clichy Montfermeil. Le ghetto pleure, ses disciples et ne retrouve plus le sommeil. Et même, difficile de rester neutre. C'est parce que des flics ont tué des mômes qu'il y avait des mômes dans les jamais. Dans tous les mauvais endroits et on me reproche de le dénoncer et plaider la cause de mes proches. Ceux qui sont pas de la France d'en bas mais c'est d'ailleurs. D'ailleurs, je rêve du meilleur mais pour l'instant j'habite où? Dans tous les mauvais endroits et on me reproche de le dénoncer et plaider la cause de mes proches. Ceux qui sont pas de la France d'en bas mais c'est d'ailleurs. D'ailleurs, je rêve du meilleur mais pour l'instant j'habite où? Tous à la même adresse, commissariat du 18ème. Là où Macomé a perdu la vie et que Dieu soutienne sa famille face aux peines qui appauvrissent. On dit que la police nous protège, mais qui nous protège face à la police? Tous à la même adresse, église Saint-Bernard. Là où les CRS nous brisent, là où les droits deviennent rares. On est matraqué dans le repère du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du ministère de l'Intérieur. Tous à la même adresse, au 20 boulevard Vincent Auriol. Ça sent l'horreur, il ne reste que l'odeur des cendres à l'aurore. Ma plume est pleine de remords. Hier soir, des noirs sont morts, le saviez-vous? C'est énorme et c'était près de chez vous. Tous à la même adresse, Roissy Charles de Gaulle. Centre de rétention, on y trouve même des mômes en détention. Attention à la vie meilleure que t'attends. Et de suivre le charter te ramène à la misère que t'attends. J'habite dans tous les mauvais endroits et on me reproche de le dénoncer et plaider la cause de mes proches. Ceux qui sont pas de la France d'en bas mais c'est d'ailleurs. D'ailleurs, je rêve du meilleur mais pour l'instant j'habite où? Dans tous les mauvais endroits et on me reproche de le dénoncer et plaider la cause de mes proches. Ceux qui sont pas de la France d'en bas mais c'est d'ailleurs. D'ailleurs, je rêve du meilleur mais pour l'instant j'habite où? Tous à la même adresse, agence de l'emploi. L'ennui, c'est qu'on est recalé des boîtes et même des boîtes de nuit. L'esclavage est sans gêne chez les charognards. Main d'œuvre étrangère exploitée par le travail au noir. Tous à la même adresse, banlieue malsaine. Bidonville de Marseille, bâtiment de Sarcelles. La misère qui harcèle prend le mal à sa genèse. Et tu comprendras pourquoi on aime siffler la Marseillaise. J'habite où? Dans tous les mauvais endroits et on me reproche de le dénoncer et plaider la cause de mes proches. Ceux qui sont pas de la France d'en bas mais c'est d'ailleurs. D'ailleurs, je rêve du meilleur mais pour l'instant j'habite où? Dans tous les mauvais endroits et on me reproche de le dénoncer et plaider la cause de mes proches. Ceux qui sont pas de la France d'en bas mais c'est d'ailleurs. D'ailleurs, je rêve du meilleur mais pour l'instant ils habitent où? Ils ont leur adresse sur la place Beauvau. Leur arène va de la rue de Varennes jusqu'à la place Vendôme. Ils refont le monde dans les suites du crayon. Ils se suivent à Matignon et ensuite finissent au Panthéon. Mon crayon ne sera pas à les salir. Ils savent tout, j'avais lisé quand leur adresse se trouve à l'Elysée. Quant à nous, on cherche à déménager. Mauvaise adresse dans une France qui nous reproche de pas l'aimer assez. Origine immigrée, tête ça terrorise. On nous demande de nous intégrer, en même temps on nous ghettoise. Je peux pas l'inscrire sur le Panthéon, alors je le chante aux immigrés, la patrie non reconnaissante.